Trois journées du règne de Charlemagne par Félix d'Avin. Chapitre 1er. Eresbourg, 772 après Jésus-Christ. Il y avait grande fête dans la cité d'Eresbourg, principale retraite des Saxons et siège de la colonne d'Irmansul. Profitant de la mésintelligence des deux jeunes rois francs, Charles et Carloman, et impatient de se venger des revers que leur avait fait essuyer Pépin, les Saxons, après avoir massacré le petit nombre de leurs compatriotes convertis à la foi chrétienne, s'étaient jetés sur les terres franques et, pillant, égorgeant, exerçant partout d'horribles ravages, avaient emmené chez eux un grand nombre de prisonniers pour les dévouer aux autels d'Odin et de Fraisse. Les prêtres, joints aux chefs de guerre et de paix, les Ertog et les Tan, entouraient cette colonne redoutable élevée par les anciens Germains à la mémoire de Hermann, du vainqueur de Varus, et chose singulière dans le culte des Saxons, ces peuples, originaires de la presqu'île scandinave, et par conséquent étrangers de fait aux traditions de la Germanie, allaient sacrifier à Hermann des prisonniers francs, c'est-à-dire des descendants directs de ce guerrier divinisé. La foule des hommes libres, des Franklins, fluctuait bruyamment hommes et femmes dans le bois, et l'élite, esclave auquel l'agriculture était abandonnée comme chose vile, tourbillonnait aux alentours. Au milieu du temple, entre la colonne d'Hermann et les autels des dieux du Valhalla, s'élevait une monstrueuse statue d'osier, dans laquelle avaient été précipités pêle-mêle les malheureux enlevés aux bourgades franques. De cette horrible prison, qui allait bientôt se transformer en bûcher, il sortait un concert déchirant de gémissements et de cris, auquel se mêlaient les chants lugubres des prêtres, les imprécations des chefs et les rires de la foule. Quand les rites préliminaires furent achevés, les prêtres s'armèrent de torches qu'ils allumèrent tour à tour sur l'autel d'Odin, et après avoir tourné plusieurs fois autour de la statue d'osier, en murmurant les paroles consacrées, ils mirent tous ensemble le feu au monceau de paille et de branches dressées au pied de la statue. Aux premières flammes qu'on vit luire, un immense cri de joie retentit sous les voûtes du bois sacré, et à mesure qu'en s'élevant les terribles langues de feu léchaient toutes les parties du gigantesque holocauste, la clameur féroce grandissait et couvrait les cris des malheureux captifs. Heureux ceux qui avaient été précipités les premiers au fond de la statue, car étouffés sous le poids de leurs compagnons et déjà à demi-morts, ils étaient bientôt achevés par les premières atteintes du feu. Mais ceux qui, élevés au sommet, ne recevaient que de rares bouffées de fumée et de flammes et que ranimait par intervalles la fraîcheur de la brise, ils voyaient, eux, s'éterniser leur supplice. En vain, les mères s'efforçaient-elles de couvrir leurs enfants de leur corps. Les pauvres victimes se tordaient dans leurs bras et expiraient sous leurs yeux. Il y avait aussi dans cette effroyable prison des luttes horribles. On s'y disputait avec acharnement quelques minutes d'existence en se repoussant les uns les autres aux extrémités, incessamment parcourues de la flamme. Puis la statue crevait en mains endroits et les victimes qui s'échappaient tombaient dans la fournaise, où, si elles venaient à rouler demi-consumées jusque sous les pieds des prêtres, les chefs les replongeaient à coups de lance dans le bûcher. Les flammes avaient cessé de jaillir, et la statue, où le bruit et le mouvement avaient cessé, s'élevait noircie et morne au milieu du temple. Un silence solennel avait succédé aux vociférations de la foule, quand tout à coup un tumulte toujours grossissant s'entendit au lointain. Les chefs écoutèrent avec inquiétude, et bientôt on vit accourir quelques Saxons des tribus voisines, couverts de poussière et de sang. Ils racontèrent qu'une innombrable armée de Francs s'avançait, rapide comme l'éclair, tonnante comme la foudre, qu'elle franchissait les rivières, emportait les forts, rasait les bourgades, et que les expéditions les plus terribles du roi Pépin n'auraient été que la chute d'un ruisseau ou d'une nuée de sauterelles auprès du passage de cette armée. Une morne stupeur succéda dans Eresbourg au récit de ces nouvelles, et pour ajouter à l'épouvante dont la foule était glacée, la statue d'osier, presque entièrement consumée à sa base, croula tout à coup et en tombant, écrasa plusieurs prêtres et renversa les vases sacrés et couvrit le feu de l'autel d'Odin qui s'éteignit. Cet accident, dont la fatale nouvelle avait fait oublier la prévision, fut regardé par tous comme un présage sinistre. Néanmoins, les Ertog, s'indignant de leur effroi, finirent par relever le courage de leurs soldats. De toutes parts, on courut aux armes, on ferma toutes les issues d'Eresbourg, on accumula de nouveaux troncs d'arbres sur les fortifications, où on les mêla avec de la terre et de la craie. Les flèches, la machine de guerre, les haches, les massues, tout fut tiré des habitations des chefs et des soldats. À la tête des plus zélés se montrait le jeune Witikind, qui devait prolonger 33 ans cette guerre d'extermination que Charlemagne fit aux barbares compatriotes de ce héros. Toute la nuit, on veilla aux environs d'Ersbourg et sur les fortifications, et le lendemain, aux premières lueurs du jour, les courriers annoncèrent l'arrivée des Francs. Mais ici, laissons parler un vieux chroniqueur, dont le style épique s'élève à la hauteur de la prodigieuse époque qu'il raconte. Alors, on commença de voir au couchant comme un nuage ténébreux, soulevé par le vent de nord-ouest, qui changea le jour le plus brillant en ombre lugubre. Puis, le roi Charles approchant, l'éclat des armes fit luire, pour les gens enfermés dans la ville, un jour plus sinistre qu'aucune nuit. Et Charles parut lui-même. Cet homme de fer, la tête couverte d'un casque de fer, les mains garnies de gantelets de fer, poitrine et les épaules défendues par une cuirasse de fer, la main gauche armée d'une lance qu'il soutenait élevée en l'air, car sa main droite il la tenait toujours étendue sur son invincible épée, ses cuisses même, quoique les autres guerriers eussent les leurs garnies de courroies, pour monter à cheval avec plus de facilité, il les avait entourés de lames de fer. Ses bottines et son bouclier étaient aussi de fer. Tous ceux qui précédaient le monarque, tous ceux qui marchaient à ses côtés, tous ceux qui le suivaient, tout le gros même de l'armée avait des armures semblables, autant que la fortune de chacun le permettait. Ce métal si dur était porté par un peuple d'un cœur plus dur encore. Le fer couvrait les champs et les grands chemins. Les pointes du fer réfléchissaient les rayons du soleil. Cette vue répandit la terreur dans les murs de la cité, ébranla l'audace des jeunes gens, paralysa la sagesse des vieillards. Et tous les citoyens s'écrièrent avec des clameurs confuses « Que de faire, hélas, que de faire !» Quelque prompte et irrésistible qu'eût été la marche de Charlemagne, la résistance des Saxons fut désespérée, terrible. Ils combattaient pour leurs dieux et pour leur foyer. Leurs femmes, leurs enfants, leurs vieillards étaient derrière eux, et ils n'attendaient point de quartier si les Francs étaient vainqueurs. Mais que pouvaient ces barbares de Minu, mal couverts sous leurs casques de cuir et leurs boucliers d'osier garnis de peaux de roc, et combattant sans ordre, contre les vieilles bandes de pépins, retrempés par la jeune gloire de Charlemagne, des guerriers tout bardés de fer, et les masses compactes de leur cavalerie. C'étaient littéralement des combats de géants, ayant des espèces de demi-dieux à leur tête, car Charles et Witikind étaient plus que des hommes, plus que des géants. Après la bataille de la plaine, ce furent les combats corps à corps du siège, car les Saxons, rejetés dans Ersbourg, puis chassés de muraille en muraille, et acculés enfin contre le temple de Teutsch et d'Esus, d'Hermann et d'Odin, hideux Panthéon, défendirent bravement chaque pied de terrain, chaque chaumière. Enfin, enveloppés de toutes parts, et dans l'espoir de sauver au moins leurs enfants et leurs femmes, ils se rendirent, excepté Witikind, qui sortant de la ville à reculons, comme un Orouk blessé, mais toujours redoutable, alla rallumer la défense chez les autres tribus. Peut-être le jeune Charles, qui d'un seul coup égalait sa renommée à la vieille gloire de son père, eût-il pardonné aux vaincus. Mais les débris fumants de l'Holocauste réveillèrent sa colère assoupie dans le triomphe. Et après le baptême de l'eau auquel les païens s'étaient résignés, sauf à retourner le lendemain aux autels de leurs dieux, ils subirent le baptême du sang. Charlemagne fit rendre les derniers devoirs aux débris des malheureuses victimes, et son armée se remit en marche pour écraser la queue de l'hydre qui remuait encore. Ce fut alors qu'un phénomène, que tous appelèrent un miracle, vint compléter la fortune de Charles, non moins favorisé à cet égard que Clovis le Grand. L'été, dit la chronique, avait eu des chaleurs si dévorantes que toutes les rivières et les fontaines furent taries. Il arriva qu'on ne trouvait plus d'eau pour boire. On craignit que l'armée, fatiguée par la soif, ne pût continuer ses travaux. Mais le troisième jour, sur le midi, tandis que tous se reposaient, voici qu'un énorme volume d'eau remplit tout à coup le lit d'un torrent, au pied du mont où le camp était adossé, et l'armée eut ainsi de quoi se désaltérer. Et Charles, vainqueur des dieux de la Saxe, comme de ses guerriers, s'avança sans obstacle jusqu'au Weser, et sa main puissante imposa à toutes les tribus de la Germanie un joug qu'elles secouèrent longtemps, mais qu'elles ne brisèrent qu'après la mort du grand roi.